20 000 éléments. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est quoi ce bordel? J'ai tout enregistré. Ah, mais je suis tout bloqué. Je peux même... Oh mon Dieu, si tu savais, c'est vraiment tout cassé. Visez la corbeille. Cette session ne peut pas être réalisée qu'un dossier dans les fichiers ouverts. J'en ai marre, putain.